Qu'est-ce qui s'est passé dans cette baraque? Tu veux savoir? Ben oui. Un Golden Boy. Une faillite. Il a réglé le problème au fusil de chasse. Sa femme. Ses trois gosses. Putain! Ça me fait flipper toutes ces traces. Y'en a plein le plafond au-dessus de mon plumard. Ça se trouve, genre dans la piole des gosses. Pourquoi ils veulent pas flinguer les mecs qui leur pourrissent la vie? C'est vrai, ça? C'est le manque de foi qui est pour fumer. C'est le manque de pognon, hein. Hardcore, sound classique, pour orchestrer la fuite des merdes qui profitent. Déjà mort sur le beat, c'est dur comme ma. Si tu veux ce que j'ai fait comme moi, ma vie, mon rap, mon combat, je m'enlèverai pas. Ce vécu qui fait que mon rap te casse-le. Ma conscience me dit frappe-le. L'enfoiré qui parle, le truc qui parle d'argent facile. D'argent tellement facile qu'il n'ira pas le chercher. Celui qui veut compter sans risquer dira si je veux demain je le fais. Le tapin, ouais, le reste, c'est pas ton rayon. Arrête de te la raconter, ce soir c'est ton cendrillon. Le juxtaposé à main, tu sais toujours pas pourquoi j'ai scié le canon. Mon passé, ma façon d'être, c'est du brut. Je raconte pas de fiction, c'est contraire à mon éthique. Contraire à la règle qui régit mon équipe. Prends ça comme un front kick que tu peux ramener toute ta clique. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bague. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bague. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bague. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bague. Qui se taise un gardien. Décidément y'a trop de langues de pute. Les petits cons te percutent à coups du percute. Ne crois pas que tu m'empêcheras d'aller droit au but. Bande de grandes gueules, wesh ma gueule, wesh les bulles. Si t'as vraiment une gueule de tueur que respire au muet devant les poulets. Vous s'occupez de balance, cause brisée. Roi du silence, faut les tuer. Tu dis que t'as pas parlé, mais arrête, arrête, voyons. J't'ai vu là-bas en flat en train de parler au condé. Ah bon, j'en place une poussée qui s'invente une vie. Eh petit, arrête les produits illicites qui t'incitent à avoir une imagination qui t'excite. Je cite, que je touche pas à ça. Qui touche pas à la Heya, j'ai pas besoin de ça. J'ai trop de choses à dire, j'ai pas envie de partir en voyage avec Halia. R.I.P, laisse-moi faire mon R.A.P. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien. Ça sent les meufs, le souffle, les trafiquants, tout genre. Des embrouilles comme toujours, coup de couteau pour du genre. Avec l'alcool, les mecs s'enragent, t'as vu, c'est hardcore, pas de morale. Si t'as pas vu, t'es pas de ce monde, tu sais pas de quoi je te parle. C'est pas des trucs qui s'inventent, des reportages de la 6. Des plans souvent qui foirent, y'en a peu qui réussissent. Y'en a peu qui roulent un R6, y'en a peu qui tirent sur la police. De toute façon, ça changera au film, quand le film c'est la réalité. Le metteur en scène, c'est la justice, les spectateurs, les jurés. Une projection en cours d'assises sur des putains de bancs cirés. Serre les fesses autant que le budget, qu'à l'avocat, le trésor public, ont presque tout mangé. D'hier à aujourd'hui, rien n'a changé. Des Kaira qui mentent, des guignols qui se la racontent, ouais. Des rappeurs qui débordent d'imagination, et d'autres qui ont le son dur comme le béton. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien qui se barre avec les sacs. Rap comme un gardien pour ceux qui esquivent la bac. Qui se taise un gardien.